Paul et le chat par Anne Califfe. Chapitre 1er. Au fond de la prairie, les branches noires du chêne se détachent précises, bien trop précises, sur la brume. Ce récit met en scène deux personnages silencieux, Paul et le chat. Je dirais plutôt deux personnages qui ne peuvent parler. Paul n'a que 9 mois, l'âge des onomatopées claquant comme des bulles de savon dans l'air frais. Quant au chat, il ne s'exprime guère non plus. Âgé d'un an, il arbore une robe noire, mouchetée de taches blanches, façon bâche normande. Moi, dans tout cela, je ne compte guère, sauf pour regarder ces deux êtres, les nourrir. Entre le bébé et l'animal, aucun échange verbal. Les temps restent simples. Là-bas, la guerre en Irak, ici, l'amorce du printemps. Un soleil froid de mars sur la prairie encore humide des vieilles pluies d'hiver. Malgré l'hiver, le chat entrait, sortait. Durant la nuit, il dormait contre ma peau nue, l'une de ses pattes blanches dans ma paume ouverte. Je sentais les pointes froides de ses moustaches, son odeur de pluie et d'herbe froissée. Mal gonflé, ballon empli trop vite, le chat chaloupait désormais un ventre distendu. J'utiliserai pourtant l'article défini masculin pour qualifier le chat, lui assignant ainsi son rôle silencieux d'espèce animale. Je me suis aperçu de manière inattendue qu'il attendait des petits. Décembre. Pour entrer, le chat attendait qu'on découvre sa tête triangulaire en donnant des coups de museau amoureux à la vitre. Il propulsait ses taches noires à 1,50 m de hauteur, se juchant sur le rebord de la fenêtre. Ses pattes laissaient sur le crépi des traînées boueuses. Ennuyeux pour qui vient juste de faire construire sa maison à la campagne. Le mari trépignait. Janvier. Le mari cessa de se plaindre. Le chat avait jeté son dévolu sur la fenêtre du salon, moins haute. Février. Le chat visa encore plus bas, les fenêtres latérales. Le crépi était maculé partout. Le mari se remit à trépigner, et ce d'autant plus qu'il venait de s'arrêter de fumer et n'en finissait pas de marcher à grandes enjambées dehors, comptant les taches de boue. À chaque tour de maison s'amplifiait sa rage, jusqu'au vertige. Je compris trop tard. La hauteur des fenêtres allait diminuant, inversement proportionnelle au poids du chat alourdi par son ventre. Janvier, février, mars bourdonnèrent d'effervescence diplomatique. Bush avait lancé son ultimatum. La maison était brune de toutes parts, le chat gros a éclaté. Le printemps tendait la terre, crispait les bourgeons. On attendait les premières frappes. Pleine lune éblouissante dans le ciel comme un soleil. Je me disais qu'il n'y aurait jamais de frappes aériennes, une nuit de pleine lune. Au fond de la prairie, les branches noires du chêne se détachaient, précises, bien trop précises, sur la brume grise de février. Le vieil arbre gravait une griffe immobile contre la brume mouvante. 5 branches noires à droite, 5 à gauche. Deuil symétrique. Parfait. Il avait fallu tout l'hiver à Paul pour maîtriser les bourgeons à peine éclos de ses mains. 10 doigts se contorsionnaient, refusant de lui obéir. En février, par le plus grand des hasards, ses mains s'accrochèrent l'une à l'autre. Paul amena l'ensemble au-dessus de sa tête. Ficelé dans sa grenouillère, il secouait cette griffe soudée, stupéfait de sa puissance. Ce n'était qu'un début. Le chat aussi patientait. Il attendait autre chose, la fin du poids de son ventre. Alourdi, il se traînait lamentablement dans la maison, refusant de sortir. Immobile, sur notre lit, comme mort, il laissait juste aller et venir ses flancs. Sa tête, au trait tiré, paraissait minuscule comparé à son ventre gonflé, tétine grosse et rose comme des lobes d'oreilles. CNN montrait des bateaux plats qui débarquaient des chars, qui dégorgeaient des hommes, qui marchaient dans le sable vers la mort d'autres hommes. La télévision irakienne présentait une marche impitoyable et serrée d'uniformes vert foncé. Ici, janvier pénétrait par les fenêtres de façon douce, donnant envie de dormir. Silence d'hiver. Le mari ne parlait pas à cause de tous ces chewing-gums qui lui déformaient la mâchoire, s'énervant lui-même de cette mastication. Seule la télévision parlait encore. Le chat dormait, patte contre le museau, pelage souillé de terre brune. Pris tout entier dans son idéal d'un monde sans tabac, quand, naïve, j'en voulais un sans guerre, le mari décida de laver le chat. Dans cette maison, il fallait que tout fût propre avant l'arrivée du printemps. Quand le chat dormait avec moi, ses pattes laissaient des traces de boue. J'attrapais donc le chat lourd de ses petits. Dans mes bras, ses pattes blanches pendaient lamentablement vers le sol. Il n'arrivait plus à se mouvoir. Le chat pesait exactement le même poids que Paul. Je sentais, regroupé sur à peine 50 cm², même pas la taille d'un coussin, un être entier, muscles, os, viscères, merveilleusement complet, et me surprit immense, presque vide à ses côtés. Le mari se dirigea d'abord vers la baignoire, toute neuve, puis se ravisa, risque de la rayer, forcément. Il préféra s'isoler avec le chat dans la cabine de douche. Vêtu de sa peau seule, il se déshabilla quand le chat conservait sa fourrure et ses griffes. Moi, qui suivais comme d'habitude, je déposais Paul contre la paroi en verre, transparente. L'eau chaude commença de tomber sur le chat qui miaula à l'étrangler. Tremblant sur ses pattes, il sautait comme il le pouvait, gêné par son ventre enflé. L'eau coulait, plaquant son poil, s'infiltrant au travers de sa peau délicate de félin. Quand Paul entendit le chat miauler, il se mit à hurler de concert. C'était à peu près la même hauteur de son, la même intensité insoutenable. Tous deux possédaient une bouche de la même taille et occupaient le même volume de part et d'autre de la cloison de verre. Tout en accélérant sa mastication, le mari augmenta le jet de la douche. À bout de nerfs aussi, le chat grimpa sur l'épaule nue qui s'offrait à lui. Le mari poussa un hurlement. Le sang coulait déjà sur les mailles, happé par le siphon vorace. Boule sifflante en haut de l'épaule, le chat grondait. Paul pleurait. Le mari jurait, l'eau bouillonnait. Enfin, le mari arracha le chat planté dans son dos en portant un peu de chair. De longues stalactites argentées glissaient le long de la paroi de verre. Poils plaqués sur ses flancs déformés, tremblant sur ses pattes maigres, le chat était pitoyable. Seul dépassait, immense, ses moustaches. Je craignais qu'il ne tombe malade. Ses taches noires semblaient plus grosses que jamais. L'une sur le flanc alourdi, l'autre en bandeau sur la tempe. Comme lors de toutes les grandes peines, le chat se résigna. Il ferma ses yeux ourlés de noir. Les rayures de son visage convergèrent vers le trait oblique des paupières. Le mari prit le shampoing de Paul et le chat fut savonné, yeux clos, puis rincé à l'eau tiède. Il gardait les yeux obstinément fermés. Paul se taisait lui aussi. La paroi en verre se reflétait dans ses yeux bleus, projetant des rectangles blancs dans ses pupilles. Il tentait de comprendre l'obstacle du verre transparent, que le chat, lui, comprenait trop bien. Ce n'était pas la première fois que le mari lavait ainsi le chat, adoptant toute une stratégie. Il fallait attendre que le chat s'égoutte, c'est-à-dire qu'il s'ébroue avant de sortir de la douche, pour ne pas asperger toute la maison. Le mari quitta donc la cabine, refermant rapidement la porte derrière lui. Interdiction de lui ouvrir la porte, bien sûr. Il fallait attendre qu'il se soit égoutté. Le chat grattait inutilement la porte avec ses pattes. Des gouttes coulaient en larmes claires sur les parois de la douche. À la télévision, suintait, dégoulinait aussi les images. Un journaliste avait décidé de filmer des garçons jetant des pierres sur un char. Au travers du cube de verre, le chat appuyait en vain ses pattes blanches sur la porte. Enfermé dans la boîte transparente de la télévision, les enfants de la guerre tendaient eux aussi leurs bras maigres vers nous. J'ouvris la porte.